Le docteur Thorne d'Anthony Trollope, deuxième partie, chapitre 16e, Miss Dunstable. Enfin, Miss Dunstable arriva et Frank, quand on lui dit « Voilà la riche héritière !» éprouva une légère palpitation du cœur. Avait-il la moindre idée qu'il l'épouserait un jour ? Au contraire, pendant la semaine précédente, l'absence avait tellement augmenté son amour pour Mary Thorne qu'il s'était répété 100 fois qu'il n'aurait jamais d'autre femme qu'elle. « Oui, se disait-il, je le lui ai juré, et je lui tiendrai parole, quels que puissent être les charmes de Miss Dunstable. » Et cependant, pour complaire à sa tante, Frank se préparait à faire, jusqu'à un certain point, la cour à la riche héritière, mais ce n'était pas sans quelque effroi qu'il envisageait la bataille qu'il allait livrer à 200 000 livres sterling. « Miss Dunstable est arrivée, » lui dit avec complaisance la comtesse à son retour d'une visite électorale qu'il venait de faire avec son cousin George aux beautés de Barchester. « Miss Dunstable est arrivée. Elle est très bien. Elle a l'air tout à fait distinguée et fera honneur à toute société où elle sera admise. Je vous présenterai elle avant le dîner et vous pourrez lui offrir le bras pour passer dans la salle à manger. » « Je suppose que je ne puis pas la demander en mariage ce soir, » dit malicieusement Frank. « Quelle folie, Frank !» dit la comtesse d'un ton irrité. « Je fais tout ce que je puis pour vous. Je me donne un mal infini pour vous mettre dans une position indépendante, et vous venez me parler de la sorte. » Frank murmura une espèce d'excuse et alla s'habiller pour le dîner. Quoique Miss Dunstable fût venue par le chemin de fer, elle avait amené avec elle sa voiture, ses chevaux, son cocher, un laquais et, cela va sans dire, sa femme de chambre. Elle avait aussi apporté une dizaine de malles remplies de toilettes magnifiques. Ce n'était pas qu'elle crût en avoir besoin, mais en cela elle s'était conformée au désir qu'on lui avait exprimé. Frank s'habilla avec un peu plus de soin qu'à l'ordinaire. Il chiffonna 2 cravates blanches avant d'être satisfait et mit un temps infini à lisser ses cheveux. Il n'avait rien du dandy, dans l'acception ordinaire du mot, mais, vu la circonstance, il tenait à avoir aussi bonne mine que possible. Il n'avait certes pas l'intention d'épouser Miss Dunstable, mais puisqu'il était appelé à lui faire la cour, il voulait au moins la lui faire sous les meilleurs auspices. Quand il entra dans le salon, il s'aperçut immédiatement de la présence de la riche héritière. Elle était assise entre la comtesse et Miss Proudie, l'épouse de l'évêque, et Mammon, dans sa personne, recevait les humbles hommages du temporel et du spirituel du comté. Frank essaya de prendre un air indifférent et resta avec quelques-unes de ses cousines à l'autre extrémité du salon. Mais il lui était impossible de détacher ses regards de celle qui pouvait devenir un jour Mrs. Frank Gresham, et elle, de son côté, paraissait éprouver la même curiosité. Lady de Courcy avait dit qu'elle était fort belle et surtout qu'elle avait l'air distinguée. Frank vit immédiatement qu'il ne pouvait partager l'opinion de sa tante à cet égard. Miss Dunstable pouvait être très belle, mais son genre de beauté ne répondait pas tout à fait au goût du jeune homme. Elle avait 30 ans environ, mais Frank, qui n'était pas bon juge en pareille matière et qui avait toujours été entouré de jeunes filles, lui donna 10 ans de plus. Elle avait le teint très coloré, la bouche grande, les dents larges et blanches, le nez gros, les yeux noirs, petits et très brillants. Ses cheveux étaient également noirs et brillants, mais crépus. Ils tombaient en petites boucles serrées autour de sa figure. Depuis qu'elle avait été admise dans le monde fashionable, quelques personnes charitables lui avaient donné à entendre que les boucles ne se portaient plus. « Elles passeront toujours, » avait-elle répondu, « tant qu'elles seront papillotées dans des billets de banque. » On peut voir par là que Miss Dunstable avait une volonté à elle. « Frank, » dit la comtesse du ton le plus naturel et sans préméditation aucune, dès qu'il lui fut possible de rencontrer le regard de son neveu. « Venez ici que je vous présente à Miss Dunstable. » La présentation faite dans toutes les formes, elle ajouta « Veuillez m'excuser, Miss Proudie, il faut absolument que j'aille dire quelque chose à Mrs. Barlow. Sans cela, la pauvre femme se croirait négligée. » Et seulement, elle laissa le champ libre à Frank. Il prit tout naturellement la place de sa tante, en disant qu'il espérait que Miss Dunstable n'était pas trop fatiguée de son voyage. « Fatiguée, » dit-elle d'une voix un peu haute, mais enjouée et même assez agréable. « Je ne suis pas fatiguée pour si peu de choses. Au mois de mai dernier, nous avons fait le voyage de Rome à Paris sans dormir, c'est-à-dire sans dormir dans des lits. Et nos traîneaux ont versé 3 fois en traversant le Simplon. C'était si amusant. Eh bien, même alors, j'étais à peine fatiguée. » « De Rome à Paris, sans vous reposer en route ?» dit Mrs. Proudy avec étonnement. « Et qu'est-ce qui vous pressait à ce point ?»« Des affaires d'argent, » dit Miss Dunstable en élevant un peu plus haut la voix. « C'était à propos de la pommade du Liban. J'étais en pourparlers pour vendre le commerce. » Mrs. Proudy s'inclina légèrement et changea aussitôt le sujet de la conversation. « L'idolâtrie est plus audacieuse que jamais à Rome, » dit-elle, « et je crains bien qu'on n'y observe pas le dimanche. »« Oh, pas le moins du monde, » dit Miss Dunstable très gaiement. « Les dimanches et les jours de la semaine sont absolument semblables. »« Quelle horreur !» dit Mrs. Proudy. « Mais quel délicieux séjour ! J'avoue que j'aime beaucoup Rome. Quant au pape, s'il n'était pas si gras, ce serait l'homme le plus charmant du monde. Avez-vous été à Rome, Mrs. Proudy ?» Mrs. Proudy accompagna sa réponse négative d'un soupir et ajouta qu'à son avis, de pareil voyage n'était pas sans danger. « Oh, vous voulez parler de la malaria, c'est vrai, quand on y va dans la mauvaise saison. » Mais personne n'est assez fou pour y aller dans ce moment-là. Je pensais au danger de l'âme, Miss Dunstable, dit l'épouse de l'archevêque d'un ton grave. Une ville où le dimanche n'est pas observé. Et vous, Monsieur Gresham, avez-vous été à Rome? Dit l'héritière en se tournant quelque peu brusquement vers Frank, de sorte que la pauvre Miss Proudy fut obligée d'adresser la fin de sa phrase à l'honorable George, qui se trouvait debout auprès d'elle. Ce dernier, qui avait pour principe que tout ce qui tenait aux évêques et aux questions ecclésiastiques devait être évité autant que possible, ou sinon traité avec gravité, prit aussitôt une mine allongée et dit que c'était une honte, que pour sa part il aimait à voir les gens se reposer le dimanche, que les ministres n'avaient qu'un jour sur sept et qu'ils avaient bien le droit de le revendiquer. Satisfaite ou non, Mrs. Proudy dut se contenter de cette réponse et resta muette jusqu'au dîner. « Non, » dit Frank, « je n'ai jamais été à Rome. J'étais à Paris une fois, et voilà tout. » Puis, comme il éprouvait le désir assez naturel de savoir où en étaient les affaires d'intérêt de Miss Dunstable, il ramena la conversation au point où Mrs. Proudy l'avait interrompue avec tant de tact. « Et l'avez-vous vendue ? » dit-il. « Vendu ? Vendu quoi ? Vous parliez de votre commerce. Vous disiez que vous étiez revenu à la hâte pour le vendre. »« Oh, j'y suis, non !» L'affaire ne s'est pas arrangée, après tout. J'aurais pu rester là-bas et tomber encore une fois dans la neige. C'est bien dommage, n'est-ce pas ? Ainsi, se dit Franck à lui-même, si je l'épousais, je deviendrais le propriétaire de la pommade du Liban. Ce serait drôle. Puis, offrant son bras à Miss Dunstable, il la conduisit à la salle à manger. Le dîner lui parut certainement moins triste que tous ceux qui l'avaient précédé jusqu'alors. Il ne croyait pas qu'il pût jamais devenir amoureux de Miss Dunstable, mais elle n'en était pas moins très agréable. Elle lui parla de ses aventures de voyage, du médecin qu'elle avait pris pour la soigner et qu'elle avait dû soigner elle-même, de tous les ennuis que lui avaient causés ses nombreux domestiques, des tours qu'elle avait joués aux curieux qui venaient la regarder, et enfin d'un amoureux qui l'avait poursuivi de pays en pays et qui était arrivé à Londres la veille même de son départ pour Courcy. « Un amoureux ?» dit Frank assez surpris de cette subite confidence. « Oui, un amoureux, Monsieur Gresham. Pourquoi n'en aurais-je pas ?»« Oh, certainement, vous devez même en avoir beaucoup. »« Trois ou quatre seulement, je puis vous l'assurer. C'est-à-dire trois ou quatre que j'honore de mes bonnes grâces. On n'est pas obligé de compter les autres. »« Non, ils seraient trop nombreux. Ainsi, vous en avez trois que vous honorez de vos bonnes grâces, Miss Dunstable. » Et il soupira, comme s'il eût voulu donner à entendre que c'était trop pour la paix de son cœur. « N'est-ce pas bien assez ?» Mais naturellement, j'en change quelquefois. Il le regarda en souriant. Ce serait trop monotone de garder toujours les mêmes. Très monotone, en effet, dit Franck, qui ne savait trop que répondre. Croyez-vous que la comtesse me permettrait d'en faire venir un ou deux ici si je le lui demandais? Non, certes, dit Franck très vivement. Elle ne le permettrait pas, ni moi non plus. Vous, comment? Qu'avez-vous à voir là-dedans? Beaucoup. Assez pour que je m'y oppose positivement. Mais, Miss Dunstable... « Eh bien, Monsieur Gresham, nous nous arrangerons pour que vous vous aperceviez le moins possible de leur absence, si vous voulez bien nous le permettre. Quant à moi, eh bien, quant à vous ?» Au même instant, la comtesse promena son regard majestueux autour de la table. Miss Dunstable se leva et suivit les autres dames dans le salon, laissant Frank, qui se préparait à commencer une attaque en règle. En passant près de lui, sa tante lui toucha le bras avec son éventail, mais si légèrement que personne ne s'en aperçut. Il comprit cependant ce que ce signe voulait dire, que la comtesse était contente de lui. Il ne put s'empêcher de rougir en songeant à sa dissimulation, car il était plus que jamais convaincu qu'il n'épouserait jamais Miss Dunstable, et non moins convaincu peut-être qu'elle ne voudrait jamais de lui. Lord Courcy était alors au château, mais sa présence n'ajoutait nullement à la gaieté des convives. Les jeunes gens ne pensaient qu'aux élections, et M. Netherwind, qui était aussi un des invités, se laissait aller aux plus belles espérances. « En tout cas, j'ai fait quelque chose pour vous, » dit Frank. « Je me suis assuré du vote du chantre. »« Comment ? De Bigley ?» dit Netherwind. « Il m'a été impossible de mettre la main sur lui. »« Je ne l'ai pas vu positivement, » dit Frank, « mais j'ai son vote. »« Comment ? Par lettre ?» demanda M. Moffat. « Non, pas par lettre, » dit Frank à voix basse en regardant le comte et l'évêque. « J'ai la promesse de sa femme. Je crois qu'elle le mène un peu par le nez. »« Oh oh oh !» se prit à rire le bon évêque, qui, en dépit des efforts de Frank, avait entendu ce qu'il avait dit. « C'est ainsi que vous menez les affaires des élections dans notre diocèse. Oh oh oh !» L'idée qu'un de ses chantres était dominé par sa femme paraissait amuser beaucoup l'évêque. « J'ai obtenu une promesse formelle, » dit Frank. Puis il ajouta étourdiment. « Mais il m'a fallu commander des chapeaux pour toute la famille. » « Chut !» dit M. Netherwind, abasourdi d'une pareille imprudence de la part d'un ami de son client. « Je suis convaincu que votre commande n'influençait en rien, M. Bigley, et qu'elle n'avait non plus aucun but d'influence électorale. »« C'était donc mal ?» dit Frank. « D'honneur, je croyais que c'était tout à fait légitime. »« On ne devrait jamais rien permettre de ce genre dans les affaires d'élection, n'est-ce pas ?» dit l'honorable George en se tournant vers M. Netherwind. Le moins possible, monsieur de Courcy, le moins possible. De nos jours, il est bien difficile de dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Voilà Reddy Palm, le cabaretier de l'Ours Brun. S'il est un homme à Barchester qui dut voter pour un ami du duc, ce devrait être lui. Eh bien, j'avais tellement soif quand je suis entré chez lui que j'aurais donné je ne sais quoi pour un verre de bière, mais pour rien au monde, je ne l'eusse demandé. Pourquoi pas ? Dit Frank, qui commençait à voir un peu plus clair dans la grande affaire des élections telle qu'elle se pratique dans les petites villes d'Angleterre. J'étais épié de près par les émissaires de Close Steel. Je ne puis aller à Barchester sans que mes pas n'y soient comptés. J'aime à combattre vigoureusement moi-même, mais je ne vais jamais si loin que cela. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu le vote de Bigley, dit Frank, décidé à vanter ses prouesses électorales. « Et vous pouvez être sûr, M. Netherwind, qu'aucun des gens de Close Steel ne m'a vu négocier cette affaire. »« Qui paiera les chapeaux, Frank ?» lui dit tout bas son cousin George. « Moi, si Moffat ne le veut pas, je crois que j'ouvrirai un compte chez la modiste. Elle paraît avoir de très bons gants. »« Très bon, je n'en doute pas, » dit George. « Je suppose que votre seigneur y retournera à Londres après l'ouverture du Parlement, » dit l'évêque en s'adressant au comte. « Oui, je pense bien que je serais obligé de m'y rendre. On ne me laisse jamais longtemps en repos. C'est bien ennuyeux. Mais il est trop tard pour reculer. » Les hommes qui remplissent des emplois élevés, non, ils n'auront jamais la liberté de penser à eux-mêmes. Ils vivent pour les autres, dit l'évêque, qui songeait peut-être autant à lui qu'à son noble ami. Le repos et la tranquillité sont le partage de ceux qui se sont contentés de vivre dans l'obscurité. « Peut-être. » dit le comte en vidant son verre d'un air résigné. « Peut-être. » Cependant, son martyr n'avait pas été bien cruel, car le repos et la tranquillité de sa maison n'avaient jamais été de son goût. Bientôt après, les convives rejoignirent les dames au salon. Mais Frank ne put trouver de sitôt l'occasion de recommencer sa cour auprès de Miss Dunstable. Elle causa longuement avec l'évêque et quelques autres personnes, mais à l'exception d'une tasse de thé qu'il lui offrit, ce dont il profita pour lui serrer un doigt, ses affaires firent peu de progrès ce soir-là. Enfin, la voyant assez seule pour qu'il lui fût permis de lui adresser la parole d'un ton confidentiel, « Avez-vous arrangé cette affaire avec ma tante ?» lui demanda-t-il. « Quelle affaire ?» dit Miss Dunstable d'un ton qui n'était nullement confidentiel. « À propos de ces trois ou quatre messieurs que voudriez qu'elle invitât ?»« Oh, mes cavaliers servants ?»« Non. Vous m'avez laissé entrevoir si peu de chances de succès. » D'ailleurs, vous m'avez donné à entendre que je n'en aurais pas besoin. Oui, c'est vrai. Je crois en effet qu'il serait complètement inutile si vous aviez besoin de quelqu'un pour vous défendre. Pendant les prochaines élections, voulez-vous dire, ou en toute autre circonstance, vous en trouverez beaucoup ici prêts à combattre pour vous. Beaucoup ? Je n'en désire pas un si grand nombre. Autant jadis, une bonne lance valait toujours mieux qu'une vingtaine d'hommes d'armes. Mais vous avez parlé de 3 ou 4. C'est vrai. Mais voyez-vous, monsieur Gresham, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé une bonne lance, ou du moins, pas une assez bonne pour satisfaire mes idées sur la vraie chevalerie. Que pouvait faire Frank, sinon déclarer qu'il était prêt à se dévouer corps et âme au service de Miss Dunstable? Sa tante s'était fâchée et avait eu l'air de penser qu'il la tournait en ridicule lorsqu'il avait parlé de demander la main de la riche héritière. Et cependant, quelle que fût sa résolution à l'égard de ce mariage, il se voyait dans une position qui ne lui laissait aucune alternative quant à la réponse qu'il devait faire. Mary Thorne elle-même n'aurait guère pu le blâmer en l'entendant assurer à Miss Dunstable que pour ce qui regardait le courage, il était entièrement à son service. Mais elle aurait pu trouver qu'il pouvait le faire sans mettre autant d'expression dans ses regards. « Vous êtes bien aimable, monsieur Gresham, bien aimable en vérité. Une dame en quête d'un vrai chevalier ne pourrait faire mieux que de se confier en vous. Seulement je crains que votre courage ne soit d'une nature si exaltée que vous ne soyez toujours prêt à combattre pour la première beauté venue. Vous ne pourriez jamais borner votre ardeur à la protection d'une seule belle. Pardonnez-moi si je l'aimais. Il n'y a pas d'homme au monde plus constant que moi. Mettez-moi à l'épreuve, Miss Dunstable. » De pareilles épreuves ne réussissent pas toujours, monsieur Gresham, et l'on découvre parfois qu'il est trop tard pour reculer. Naturellement, on court toujours quelques risques. C'est comme à la chasse. Où serait le plaisir s'il n'y avait pas de danger? Oui, mais à la chasse, si vous manquez un jour le gibier, vous pouvez réparer cela le lendemain, tandis qu'une pauvre fille n'a pas cette chance lorsqu'elle se fie à un homme qui lui dit qu'il l'aime. Pour moi, je ne me fierai jamais à un homme avant de l'avoir connu au moins 7 ans. 7 ans, dit Frank, qui ne put s'empêcher de penser que dans 7 ans, Miss Dunstable sera presque une vieille femme. Mais 7 jours suffisent pour bien connaître quelqu'un. Ou peut-être 7 heures. Qu'en pensez-vous, monsieur Gresham? 7 heures, oui, peut-être, si l'on se voit souvent pendant ce temps. Après tout, il n'y a rien comme l'amour à première vue, n'est-ce pas, monsieur Gresham? Frank comprit parfaitement qu'elle se moquait de lui, et il ne put résister à la tentation de prendre sa revanche. « Ce doit être fort agréable, en effet, dit-il, mais quant à moi, je n'ai jamais fait l'expérience. Parole d'honneur, monsieur Gresham, vous me plaisez infiniment. Je ne m'attendais pas à rencontrer ici quelqu'un qui me plut autant. Vous viendrez me voir à Londres, n'est-ce pas? Et je vous présenterai à mes 3 chevaliers. » Et se levant, elle s'éloigna pour aller faire la conversation avec quelques-uns des grands personnages. Frank se sentit dépité de l'impression favorable qu'il avait produite sur Miss Dunstable. Il n'était pas tout à fait sûr qu'elle ne le traitât pas en petit garçon. Il s'en vengeait un peu, certainement, en la prenant pour une femme entre 2 âges. Mais il n'en était pas moins mécontent de lui. « Je pourrais encore lui faire voir que son cœur n'est pas aussi invulnérable qu'elle le croit, se dit-il, et lui prouver qu'on peut la planter là, malgré toute sa fortune. » Puis il se retira à l'extrémité du salon et se mit à penser à Mary Thorne. Tout en se livrant à ses réflexions, ses yeux tombèrent sur les petites boucles crépues de Miss Dunstable et cette vue le fit presque frissonner. Lorsque les dames se retirèrent, sa tante s'approcha de lui en souriant amicalement et passant son bras sous celui de son neveu, elle l'entraîna dans un petit salon voisin. « Vous ne perdez pas de temps avec l'héritière, mon cher Frank, » dit-elle. « Vous avez déjà fait une grande impression sur elle. » « Je ne sais trop, ma tante, » dit-il d'un air assez piteux. « Oh, j'en suis sûr. » « Mais, Frank, mon cher enfant, il ne faut pas trop précipiter les choses. Il vaut mieux prendre votre temps. On ne vous en appréciera que mieux. Et vous savez peut-être... » Frank savait peut-être. Mais à coup sûr, sa tante ne savait pas, ou du moins, elle ne savait pas comment s'exprimer. Si elle eût osé le faire franchement, elle lui eût dit « Je désire certainement que vous fassiez la cour à Miss Dunstable, et surtout que vous la demandiez en mariage. » Mais il n'est pas nécessaire de le faire devant tout le monde, ni de vous mettre à ce point en évidence. » Cependant, comme elle ne voulait pas gronder un neveu aussi obéissant, elle s'abstint de lui dire sa façon de penser. « Eh bien, » dit Frank en la regardant en face, « prenez un peu plus de temps. Voilà tout, mon cher Frank. Allez plus lentement, ce sera plus sûr. » Et lui faisant un petit signe d'amitié, elle sortira. « Vieille sotte !» murmura Frank en retournant au salon. Il fallait en effet qu'elle fût bien sotte, pour ne pas voir que Frank et Miss Dunstable ne seraient jamais mariés femmes. « Eh bien, Frank, dit l'honorable John, Vous voilà déjà en bon chemin auprès de l'héritière. » Il ne veut pas nous laisser la plus petite chance, dit l'honorable George. Pour peu qu'il continue ainsi, elle sera Mrs. Gresham avant un mois. Mais, Frank, que dirait-elle de votre manière de recueillir les votes à Barchester ? Monsieur Gresham sait parfaitement s'y prendre, dit Monsieur Netherwind. Seulement, il y va un peu trop ouvertement. Dans tous les cas, j'ai obtenu son vote, dit Frank. Vous ne l'auriez jamais eu sans moi. Le vote de Miss Dunstable a bien plus de prix à mes yeux, dit l'honorable George. C'est bien celui après lequel il vaut réellement la peine de se mettre en quête. Mais, dit Monsieur Moffat, Miss Dunstable n'a pas de propriété à Barchester, n'est-ce pas? Pauvre candidat, était-il tellement préoccupé de son élection qu'il n'eut pas une pensée à donner à l'amour ?